Poursuivant l'énumération de ses déboires, Figaro conclut. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite. Et, trop désabusé, désabusé. Susan, Susan, Susan, que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. On vient. Voici l'instant de la crise. Il se retire près de la première coulisse à sa droite.